percevoir un accueil chaleureux. Même dans mes rêves, les moutons sont déviés. Tout tourne autour de l'argent, même avant l'ère des Templiers. Le papier, c'est le pouvoir, tu veuilles le croire ou pas, si t'en veux, faut le vouloir. Mais à toi de voir, mon gars, car la voix de tout est noire. J'ai fait le meilleur choix de ma vie en regardant la vie d'un autre angle. Et certes, j'ai payé le prix pour rejoindre la voie du triangle. À mon bonheur, le manque de fric est une entrave. Les chemins mènent pas tous à Rome, mais mènent bien à la banque centrale. J'ai fait le choix de fuir cette vie de pauvre gars. Quitte à vendre mon âme, je l'ai vendu si cher que je pourrais racheter le contrat de Pogba. Qu'on ne me reproche pas ma vie fière, c'est chacun sa merde. Et s'ils sont dans la misère, ben qu'ils se démerdent. Mon argent, il est à moi, il ne servira qu'à moi. Pas de testament, même dans